Très tranquille ce matin dans le monde du sport. On va quand même vous parler du classement POC selon le site internet classementpoc.com. On sait que c'est on parle évidemment des équipes doublettes dans le secteur. D'abord, au niveau Bantam, on retrouve les Hurricanes de Masuyash au 24e rang. Les Rapides de Tolbeau-Missassini occupent le 41e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 91e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 3e rang et les Ambassadeurs de Chibougamau sont au 77e rang. Et au niveau junior, on trouve les Éperviers de Normandin en 19e position et les Sabres de Robertval en 42e position. Les Huskies de Rouyn-Noranda de Gilles Bouchard ont emporté 5-1 sur les Voltigeurs de Drummondville hier à Rouyn-Noranda. Et puisque question de hockey junior, les Saguenay de Chicoutimi vont entamer leur voyage dans les Maritimes. Ça va se dérouler à compter de jeudi. Et les Saguenay ont rappelé le gardien de but Samuel Cardinal qui va seconder Xavier Poitvin. Cardinal, on l'a rappelé, de la Ligue Junior 3. Il y a également deux autres jeunes qui vont accompagner l'équipe, soit Simon Monette et Marc-Antoine Gagné. Je vais écouter la section entrevue de dernierdesports.com. Hier, on a parlé avec le président du hockey mineur de Tolbeau-Missassini, David Lamontagne. Et je me suis également entretenu avec Mark Griffin à Cleveland à l'aube du sixième match. Le sport local et régional, à dernierdesports.com. On s'en occupe.